Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Salut tout le monde et bienvenue. Commencez pas de quoi parler, parlons de la... Météo. Il fait chaud. Ouh, Cathy Melon qui fait chaud. Oh, poteau, toi, pour un mois de septembre, t'y n'ont dit du... Ça va vos jambes lourdes, Christophe Grandjean? Un peu de rétention d'eau, mais ça va. Je comprends bien. Vos varices, Jérôme de Warzé. Oh, t'as un sale défaut, vous savez. Soufflez, Sarah de Padua, parce qu'il y a des chaleurs pareilles. J'ai soif. Vous avez un autre sujet de conversation, Cathy? On peut parler de mes cheveux, vu que c'est le sujet de deuxième sujet de conversation elle a du coupé, matin. Elle a coupé de combien? Oh, je sais pas, ça arrivait là. 15 cm. Elle a coupé de 15 cm. Ça, c'est une info en or. Ça, c'est une info. Elle a un nouvel homme, donc, c'est ça que ça veut dire, Christophe Grandjean? Ou elle en veut un nouveau? Deuxième option. Rafraîchir. Est-ce pour ça, Jérôme, que vous l'appelez la mangeuse d'hommes? Vous remarquez que j'ai raccourci également. Oui, je et ça vous va? Alors, à ravir. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Attention Denis, la menthe religieuse est dans le studio. Je répète, la menthe religieuse est là. Écoute, hein. Oui, j'ai compris le message. Mais bon, elle a bien fait de réduire, hein, parce qu'aujourd'hui, on va quand même avoir des températures records une fois de plus. On va atteindre les 33 degrés en camping comme hier, 30 à 32 degrés dans le centre du pays, 27 à 28 sur les hauteurs de l'Ardenne, plein soleil. C'est demain soir que les orages arriveront par le sud, marquant la transition vers de l'air plus frais pour la fin de la semaine. Il est 8h et à la une de l'actualité, les étudiants du supérieur qui se remettent à leur tour au boulot. C'est la rentrée à partir d'aujourd'hui dans les UNIF et les hautes écoles, mais elle est compliquée pour les étudiants qui ont peu d'argent et ne savent toujours pas s'ils auront une bourse. On a besoin de cet argent. On ne sait pas payer les trains, on ne sait pas acheter l'essence, les cotes, les cours. On a vraiment besoin de cet argent et ça n'arrive jamais au bon moment. Le problème, c'est un retard dans la réforme du système de bourse. Explication dans quelques instants. Comment faire fructifier son argent avec les taux d'intérêt au plus bas? Certainement pas avec le compte d'épargne qui coûte de l'argent désormais. Michel Vizard nous donnera quelques pistes à condition d'accepter de prendre un peu de risque. L'augmentation des admissions forcées en psychiatrie ces 15 dernières années. Le Conseil supérieur de la santé préconise pourtant une diminution des internements. La Ligue des champions de football, le club de Bruges entre en compétition ce soir face à Leicester, le champion d'Angleterre. Et puis au cinéma, ce mercredi, Virginie Efira, la comédienne belge que tout le monde s'arrache, est à l'affiche de Victoria. Et pour commencer, Christophe, d'abord une étudiante que nous avons voulu mettre à l'honneur. Elle s'appelle Margot de Wattine. Comme des milliers d'autres jeunes gens, elle rentre dans l'enseignement supérieur aujourd'hui avec une petite différence. Margot est sourde profonde de naissance. Malgré ce handicap, elle a décidé de relever le défi, entamer des études d'institutrice maternelle à la Haute École Condorcet de Mons. Vinciane Vautron a rencontré Margot et ceux qui vont l'aider à accomplir son rêve. Tu veux venir avec maman ou bien avec... Autour de la table, des profs, une interprète en langue des signes, Margot et sa maman. Cette jeune fille souffre d'un handicap, elle est sourde profonde de naissance, même si elle parvient à oraliser, elle entre en première année d'institutrice maternelle. Est-ce que tu es stressée? Oui, vraiment. Pourquoi? C'est la première fois que tu rentres à l'école supérieure. À 19 ans, Margot a effectué toute sa scolarité dans l'enseignement traditionnel. Ses parents l'ont toujours poussée à être autonome en décrochant un diplôme, même si certaines professions ne peuvent s'offrir à elle. Assunta Minciteri, sa maman. Elle ne peut pas décrocher le téléphone, elle ne peut pas prendre des rendez-vous, elle ne peut pas être face à quelqu'un, même à la caisse. Pour faciliter son intégration, Margot pourra bénéficier d'aides spécifiques, comme d'une interprète pour certains cours. Les professeurs eux-mêmes réfléchissent à des méthodes didactiques appropriées. Martine Lafosse est psychopédagogue. Elle va devoir adopter certaines bonnes habitudes. Quand on se retourne au tableau, ne pas parler à ce moment-là, parler face à elle. Être attentive aussi à, lorsque les étudiantes parlent entre elles dans la classe, à ce qu'elles puissent les voir pour pouvoir comprendre ce qui se dit. Un parcours qui force en tout cas l'admiration et la fierté de ses proches. et bon courage donc à Margot. Une rentrée dans l'enseignement supérieur qui est difficile cette année pour les étudiants précarisés. Ils ne savent toujours pas s'ils vont obtenir une bourse. Yasmina Favaro, c'est à cause de la réforme du système des bourses d'étudiants. Le texte n'est toujours pas voté. Oui, et du coup, ça coince. Hein. Les services sociaux des universités croulent sous les demandes. Mais ils ne peuvent toujours pas dire aux étudiants qui demandent une bourse s'ils vont l'obtenir ou non, ni même combien ils vont recevoir, puisque la réforme s'attaque aux conditions d'octroi et aux montants alloués. Alors la situation est donc difficile pour ces étudiants boursiers en attente. Écoutez cet étudiant. Je suis obligé de chercher des alternatives. Je suis obligé de demander une aide de Namur pour déjà avoir un peu d'argent en attendant de savoir si oui ou non je recevrai effectivement une bourse. Ou même un job d'étudiant. On a besoin de cet argent. On ne sait pas payer les trains, on ne sait pas acheter l'essence, les cotes, les cours. Il y a plein de choses. On a vraiment besoin de cet argent et ça n'arrive jamais au bon moment. Du stress et du temps perdu alors qu'il préférerait se concentrer sur ses cours. Oui, et puis c'est une rentrée compliquée aussi pour les étudiants reçus collés en première année de médecine. Oui, c'était la saga de l'été et elle n'est toujours pas terminée. Hein. Vous le savez, des étudiants non reçus au concours mais qui ont réussi leurs examens classiques n'ont pas jeté l'éponge. Ils ont saisi la justice pendant l'espoir d'être acceptés en deuxième année. Le tribunal de première instance va se prononcer là-dessus dans mardi prochain et les autorités politiques compétentes devraient aussi préciser leur position. En attendant, les reçus collés abordent leur rentrée comme s'ils étaient en deuxième année. Une autre conséquence de ce concours, eh bien, il fait fuir les nouveaux étudiants. Il y a moins d'inscrits en première médecine. C'est en tout cas le cas à l'Université de Namur. Merci Yasmina. Yasmina Favaro avec Jean-Claude Hénuy. Assemblée générale du personnel aujourd'hui à l'entreprise Caterpillar à Gosselies. Les organisations syndicales donneront les dernières informations concernant la procédure Renault lancée avant-hier. Il sera aussi question d'une éventuelle reprise de la production. D'après certaines sources syndicales, une partie du personnel y serait favorable. Si cette volonté se confirme, la production à Caterpillar Gosselies pourrait reprendre dès demain. Par ailleurs, la direction américaine de Caterpillar est en Belgique aujourd'hui, elle rencontrera le gouvernement wallon. Au chapitre argent, les Belges, Christophe, ignorent que leur compte d'épargne leur fait perdre de l'argent. Ouais, c'est l'une des conclusions d'une enquête de la banque CBC sur les Belges et leur épargne. Avec nous, Michel Vizard du service économique. Bonjour Michel. Bonjour Christophe. Que les taux d'intérêt sont au plus bas et donc que notre compte d'épargne ne nous rapporte plus que des clopinettes. Mais comment en arriver à dire que les comptes d'épargne désormais nous font perdre de l'argent ? Oh, c'est un bête petit calcul, si je puis dire. On sait que le taux qu'on a aujourd'hui, c'est entre 0,1 ou 0,2%. Or, l'inflation, donc la hausse des prix, est à 2%. Donc, vous faites le calcul, sur un an, vous perdez en fait un bon 1,5% de pouvoir d'achat. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va à la banque et on ferme son compte ? Alors, vous pouvez toujours choisir le bas de laine, la niche du chien, le matelas, tout ce que vous voulez. Non, soyons sérieux, ce n'est plus possible aujourd'hui, ce genre de solution. Alors, il faut effectivement continuer à rester à la banque. Alors deux choses. D'abord, on peut éventuellement changer de banque. Et puis, les banques proposent toutes des produits de diversification, on va dire. Est-ce qu'on peut encore un peu gagner d'argent, de l'argent, sans prendre de risque aujourd'hui ? Sans aucun risque, c'est tout à fait impossible. Le risque fait partie du système. L'équation est connue. Hein. Plus de rendement, ben c'est également prendre plus de risques. Cela dit, il existe heureusement des formules intermédiaires où, avec un petit peu de prise de risque en plus, on peut avoir un petit peu plus de rendement. Et l'immobilier, on entend qu'il faut placer son argent dans l'immobilier, par exemple acheter un appartement et le mettre en location, c'est une bonne idée ? Alors c'est une assez bonne idée, il faut bien peser le pour et le contre de cette formule. Hein. D'abord, il faut avoir les moyens d'acheter un appartement, ça c'est pas rien. Ensuite, il faut tenir compte de tous les frais, des frais de gestion, des frais de rénovation, parfois il y a vide locatif, hein, le locataire est parti, on ne reçoit pas de loyer. Et puis il y a aussi des impôts, on doit payer le précompte immobilier, on doit aussi payer les taxes à l'impôt sur le revenu, donc ça fait beaucoup. Mais globalement, avec de l'immobilier, on peut quand même obtenir un rendement entre 3, 4, 5%, sans oublier que parfois il y a du travail aussi de rénovation à faire soi-même, par exemple les peintures. Eh oui, merci Michel Vizard pour tous ces conseils. Les indemnités maladie seront moins élevées à partir du mois prochain, décision du gouvernement fédéral pour faire des économies. Aujourd'hui, les indemnités maladie correspondent à environ 60% du salaire, mais désormais les heures supplémentaires ou encore les avantages en nature ne seront plus pris en compte dans le calcul et donc les indemnités maladie seront moins élevées. Une immersion maintenant dans un hôpital psychiatrique. Oui, et plus précisément dans le service où les patients sont internés de force. Chaque jour, une quinzaine de Belges subissent ainsi une admission forcée en hôpital psychiatrique. C'est ce que constate le Conseil supérieur de la santé. Les admissions forcées dans les hôpitaux psychiatriques sont en augmentation depuis une quinzaine d'années, alors que justement, il faudrait limiter ces interventions sous contrainte, dit le Conseil supérieur de la santé. Odile Lehert s'est rendue dans le service des hospitalisations sous contrainte de la clinique Fonroy à Uccle. Pour y entrer, il y a une, deux portes fermées à clé. Les fenêtres ne s'ouvrent pas de l'intérieur. La responsable du service des hospitalisations sous contrainte, le docteur Depote, nous fait visiter l'unité. Les gens sont a priori pas d'accord d'être là et donc on est confronté à une difficulté de risque de fugue. Les gens partent, il faut dans ces cas-là appeler la police. Quant au profil du patient, il varie, comme nous l'explique l'infirmier en chef Édouard Lambeau. Ça peut être un patient qui a un couteau avec lui, qui a des propos inquiétants, soit pour lui, soit parce qu'il a un délire construit sur quelqu'un et que donc il faut le stopper avant qu'il y ait un passage à l'acte. La semaine passée, une dame qui se dénudait devant le Parlement européen, mais hors contexte politique, qui s'était fait agresser juste avant, etc. Donc il faut effectivement la protéger de l'environnement. L'une des conditions d'admission sous contrainte est bien celle-là. Le patient doit être un danger pour lui-même ou pour autrui. Il doit aussi avoir refusé d'être soigné, mais il existe d'autres garde-fous. Il faut un certificat médical circonstancié. Il faut une décision d'un procureur du roi ou d'un juge de paix. Cette mesure dure 40 jours maximum. Et pourtant, ces admissions sont en hausse. Pourquoi ? Dans la société, il y a une certaine intolérance qui se développe face aux comportements marginaux, hors de la norme, qui dérangent. Voilà, on parlait de la dangerosité. Parfois, on se demande si c'est de la dangerosité ou de la dérangerosité. Autre hypothèse, la pauvreté gagne du terrain dans les grands centres urbains comme Bruxelles et les maladies mentales y sont donc plus complexes. Le métro de Bruxelles s'allonge. Une nouvelle ligne verra le jour d'ici 2025. Un long parcours qui traversera Bruxelles du sud au nord-est, c'est-à-dire de Forêt à Evere, en passant par le centre et par Schaerbeek. Une bonne nouvelle pour les Bruxellois, mais aussi pour ceux qui viennent travailler dans la capitale, puisque certaines stations seront multimodales, métro et RER. Dans le monde, Shimon Peres à l'hôpital. L'ancien président d'Israël a été victime d'un accident vasculaire cérébral majeur, selon ses médecins. Shimon Peres est en soins intensifs dans un hôpital de Tel Aviv. Son état de santé est qualifié de grave mais stable. Le prix Nobel de la paix 1994, âgé de 93 ans, avait déjà été hospitalisé au mois de janvier à la suite de deux alertes cardiaques. 8h10 dans le 8-9 Sport, c'est parti pour Bruges en Ligue des Champions. Oui, après les cartons hier soir de Barcelone, 7-0 contre le Celtic et du Bayern, 5-0 contre Rostov, on va voir comment notre représentant belge va négocier son entrée dans la prestigieuse Coupe d'Europe face aux Anglais de Leicester. Les Brugeois ne sont pas au mieux en ce début de saison. Ils sortent d'une défaite le week-end dernier contre Westland de Beveren. Mais Vincent Manard, le manager de Bruges, compte sur le feeling de la Ligue des Champions pour motiver son équipe. Hier, j'ai senti vraiment le Champions League feeling avec tout ce qui se passe autour du stade, avec les médias qui sont vraiment focalisés vers nous. Ce qui est une bonne chose, que les joueurs quand même se rendent de plus en plus compte du fait qu'ils sont là sur le podium le plus intéressant pour un footballeur. Et j'imagine aussi que vous, et c'est votre sentiment que Bruges sera meilleur que contre Beveren. Si ce n'est pas le cas, on aura un grand problème. Vincent Manhart, le manager de Bruges, interrogé par Ebi Brouzakis. Bruges, Leicester à suivre en direct sur Vivacité ce soir à 20h45. Aux Jeux paralympiques de Rio, Joachim Gérard dispute ce soir les demi-finales du tournoi de tennis en fauteuil. Son adversaire sera le Britannique Alfie Hewitt, 12e mondial. Joachim Gérard, lui, est deuxième au classement. Hier, il a éliminé le Japonais Shingo Kunedia, champion paralympique en 2008 et 2012. Pour battre des joueurs de ce calibre, Joachim Gérard a franchi un cap au niveau de son mental. Oui, je pense que c'est là que j'ai vraiment évolué ces dernières années, ces dernières semaines, ces derniers mois, et vraiment pouvoir montrer que c'était dans ma tête et que c'était pas autre part, ça fait plaisir. C'est un très grand joueur, c'est surtout le battre en 2-7, c'est-à-dire que vraiment mentalement, je commence à pouvoir prétendre à pourquoi pas une meilleure place que deuxième mondial. Joachim, vous êtes à un match de la médaille. Un match de la médaille, mais à deux matchs de rien du tout aussi, donc il ne faut pas lâcher la pression, il faut rester vraiment concentré jusqu'au bout et faire tout en mon pouvoir pour aller chercher au moins une médaille, peu importe la couleur. En cyclisme, la Citadelle de Namur accueille cet après-midi le Grand Prix de Wallonie. Philippe Gilbert n'est pas au départ, mais la Belgique sera bien représentée avec Yann Baklans, Tish Benoot ou encore Tim Wellens. Et au cinéma, vous l'aurez constaté, il n'y en a plus que pour elle dans les médias ces derniers jours. Virginie Efira à l'affiche de Victoria. Victoria, c'est l'histoire d'une avocate en pleine débâcle sentimentale. Elle accumule les plans foireux à la fois au travail et dans sa vie privée. Une comédie douce amère pour la pétillante Virginie Efira qui peut déployer ici tout son talent tragicomique. La comédienne belge qui fait à peu près l'unanimité pour le moment dans le monde du cinéma. C'est la nouvelle égérie du cinéma d'auteur et même les critiques les plus coincées saluent désormais son talent. On était loin d'imaginer ce beau parcours quand on la voyait présenter l'émission Megamix avec ses chaussures compensées. Avec Victoria, c'est un nouveau tournant que Virginie Efira prend dans sa carrière, un tournant qu'elle savoure. C'est très difficile de parler de comment les choses sont reçues, ce que ça signifie l'accueil. Enfin, quand on tourne un film, on pense pas à l'accueil en disant là ça va. Hein. Au moins de manière intérieure, clairement. Après, le fait de voir que ça a l'air d'être pris comme ça, je me dis tiens donc je suis pas complètement à l'ouest. Donc ça c'est bien. Quand j'ai reçu un scénario que je trouvais vraiment vachement original et personnel et beau. C'est très rare d'avoir des réalisateurs qui s'intéressent à la comédie en prenant en charge la mélancolie profonde, en réfléchissant à un esthétisme, en essayant d'avoir une sophistication dans les dialogues. C'est-à-dire qu'il va être très fouillé dans les sentiments, assez sombre et caché. Enfin, un personnage réel, donc complexe. Victoria, la comédie hilarante de l'année. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur l'affiche. Alors c'est vraiment drôle. Cathy. Alors c'est Télérama qui le dit. Mais alors j'imagine que c'est un rire très Télérama. Ah. Alors, parce que il contenu. A, voilà, un rire intérieur et intense, mais à l'intérieur, voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi la presse française, en tout cas la presse intello, dit que c'est hilarant, que c'est à mourir de rire, que c'est la comédie de l'année, parce que c'est extrêmement parisien. Mmh. Moi, j'ai vu le film en vision de presse, il n'y a pas eu un seul éclat de rire. Alors, on sourit, Virginie Efira est formidable, elle nous montre vraiment toute l'étendue de sa palette de jeux, mais ça reste très... Oh, j'ai des problèmes dans la vie. C'est jubilatoire, compliqué. Mais pas à pisser de rire. Voilà, on va dire ça. C'est pas, je dirais même que c'est carrément pas forcément grand public, même vous si... Il est mieux de lire Téléstar, c'est beaucoup plus instructif. Et alors, il y a sur les rois, les reines et les princesses, vous lisez un peu Téléstar Alors non. Eh ben vous avez tort, c'est là que ça se passe. Ça. Par contre, point de vue image du monde... Alors là, c'est l'élite. C'est parfois un peu trop complexe pour moi, j'avoue. Oui. C'est François Mazur de 7 à la Une qui sera notre invité tout à l'heure. 7 à la Une, une nouvelle saison qui a redémarré. Il a rencontré ce week-end le Dalai Lama. Vous étiez peut-être chez votre nénène ou chez votre parrain ce week-end. Lui, il était chez le Dalai Lama. Eh ben on parlera de cette rencontre avec lui tout à l'heure. 8h15, Cactus. Jérôme, vous revenez sur l'état de santé préoccupant d'Hillary Clinton et la dernière ligne droite aux élections présidentielles américaines. Mais oui, bonjour à toutes et tous. Rue Lundsdach, USL Male. Hey. USL Female. Dans deux mois long, on connaîtra le nom du prochain président des États-Unis. Le choix est clair, Donald Trump ou Hillary Clinton. Donc un milliardaire mégalomane raciste coiffé comme un perroquet cocaïnomane ou une mégère colérico-hystérique aussi maquillée qu'un passeport congolais. Elle appréciera. J'ai vu Hillary Clinton non maquillée, c'est une allégorie crachée de l'économie américaine. Ça se fissure de partout, ça va s'effondrer dans les mois qui viennent. Même David Jean Motte reste quoi Hillary Clinton malade, ses partisans sont inquiets. Enfin ceux qui restent, sa fille, son chef de cabinet, Bill... à qui elle avait préservé la santé autrefois en le dissuadant de fumer le cigare, auquel Mr. President trouvait des utilisations nettement plus amusantes que celles qui consistent à le réduire en cendres. Ceci n'empêcha pas Bill de déclarer à propos de Monica Lewinsky « Je n'avais jamais vu une fille qui avalait la fumée avec autant d'empressement ». Il a aussi dit qu'elle avalait tellement la fumée que c'était un vrai plaidoyer pour Kyoto. Mais ça, écologiquement, ça c'est quand même douteux. En fait. C'est fin, c'est très fin. Oui, mais je vous remercie. Hillary Clinton pourrait donc être la première femme derrière le bureau ovale. Monica Lewinsky n'étant certainement pas la première en dessous. Bon allez, j'arrête. Sucer, ça n'est pas trumpé, oui. Oh. De quoi souffre réellement Hillary Clinton? Une pneumonie, une trumponie, beaucoup en souffrent. Mais souffre-t-elle, finalement? Comment appelle-t-on un être humain irrationnel, qui pique des colères, qui rit sans raison et qui présente des troubles du comportement? Une femme. Non mais c'est de la science que vient la lumière. Ah, aujourd'hui, les filles vont sortir. Hein. C'est de la science que vient la lumière. Bon alors, dans son cas, ça se complique. Elle est hystérique, incapable de communiquer avec ses équipes, on l'a dit légèrement psychopathe, dépourvue d'émotions avec ses dossiers sous le bras. Elle arrive souvent en retard. Alors, je sens bien je vois, qu'il y a autour de cette table au moins deux personnes qui s'attendent à ce que j'établisse un parallèle fallacieux avec Joël Milquet. On vous connaît, hein. L'information du troisième étage et la désinformation de la station-service, là. Alors, mais pour qui vous prenez-vous? Non, non, non. Jamais je ne m'abaisserai à ce genre de considération. Il me paraît évident que tout concorde plutôt à penser qu'il s'agit de Loretta Onkelinx. Alors, Trump ou Clinton, la peste ou l'AVC? Dingo ou fofolle. Ils sont malades tous les deux, la Cour suprême ayant autorisé la divulgation de leur bulletin de santé mentale. J'y ai eu accès. Ça m'a pris 3 jours. Pas pour la lecture, hein, pour le téléchargement. Donc, 1 jour de moins que le pacte d'excellence. Vous dire, sur le niveau médical, c'est quand même très sévère. Les complotistes supputeraient même un empoisonnement de la candidate démocrate par des agents russes. Bon, là, vous m'excuserez, mais quand vous prenez des produits venant de Russie, généralement, vous êtes capable de courir le marathon en 20 minutes sur une jambe en tirant un tracteur. Donc moi, ça, je n'y crois pas. On suivra avec attention cette élection, Trump remontant dans les sondages chaque jour, alors qu'Hillary avait remporté la qualité de tous ses caucus. En même temps, Hillary, avec le mari qu'elle se trimballe, les caucus. Bon, projetons-nous dans l'avenir. Hillary Clinton est déjà, selon le magazine Forbes, qui n'est plus fiable à mes yeux depuis qu'Armand Delecker a disparu de la liste des 100 plus grandes fortunes. Hillary Clinton se classe au 2e rang de la liste des femmes les plus puissantes du monde, derrière Lady Gaga ou Maggie DeBlock, je ne sais plus, les critères varient tout le temps. Quant au candidat républicain, s'il était élu président et que Charles Michel devait le rencontrer, on aurait d'un côté de la table Donald Trump, que du charisme, zéro idée, et de l'autre Charles Michel, zéro charisme. Non mais ce que je veux dire, c'est que si Trump est élu, c'est comme si Bart de Wever était Premier ministre. Hein. Ah, la CIA m'informe que c'est déjà le cas. C'était donc ma dernière chronique, merci. Cézanne. Vous voyez pas qu'il y a un petit laser rouge sur votre front qui à tout moment peut... Décalez-vous sur la gauche parce qu'il va tirer le mec. Décalez-vous légèrement, voilà. Non, ça va. Non, non, je... Il reste digne. Eh bien, si vous avez un arc à flèche et que vous voulez tirer sur cet homme, il ne bougera pas. Une arbalète. Il ne bougera pas. Vous vous souvenez de la Fabiola qui avait mis la pomme sur la tête? Vous vous souvenez de la Fabiola? Mais non, pas de la Fabiola. Comment parlez-vous de notre ancienne souveraine? Parce que je pensais à la pomme, et puis j'ai été plus vite que prévu. Bon, bref, cactus à revoir sur la page Facebook du 8-9. Bon, pourquoi vous ricanez? C'est vrai que la Fabiola, ça me fait rire. Bon, et, oui, la et le Baudouin, là, qu'est-ce qu'il vient? La Fabiola, elle avait la pomme quand elle avait eu des menaces. Vous vous souvenez de ça, Christophe? Oui, évidemment. Très drôle, d'ailleurs, ce qu'elle avait fait. Eh bien alors, avec la chevelure de la Fabiola. Bon, bref, 8h20, c'est ça le 8-9. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Comment ça roule à 8h20? On va demander à Serge, notre motard Europe Assistance. Serge, vous êtes où en ce moment? Bon, pour l'instant, je suis un petit peu plus loin que Léonard et je suis passé donc voir si ce camion était toujours en panne. Il est toujours là, entre Léonard et Tervuren. Il est sur la bande du milieu, mais ça va. Comme il n'y a pas trop de monde, il ne gêne pas trop. Et c'est peut-être ça la limite qui est dangereuse, c'est que ça roule assez vite. Donc voilà, il faut éviter le camion. Ça pourrait être accidentogène, comme on dit. Alors un objet encombrant, ça, c'est Drogenboss côté intérieur du ring. Sinon, rien d'autre à signaler sur le ring. Ralentissement habituel également sur la plupart des autoroutes. Et voilà, je rappelle encore une fois que le boulevard de la Voilue est encore toujours en travaux et le restera certainement encore un bon bout de temps. Merci Serge, on vous rappelle tout à l'heure après le journal bruxellois de 8h30 pour un nouveau Placemo dans les inforoutes. À tout de suite. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Tu as remarqué? Plus les journées raccourcissent, plus les nouvelles collections automne augmentent. Toi, tu es passé chez Espace Mode. Et je compte bien y retourner avec toi. Stop aux automnes moroses. Espace Mode présente toutes les nouveautés de la saison dans les marques les plus tendances. Sweat, jupes, pulls, pour toute la famille et pour tous les goûts. Espace Mode sera ouvert ce dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Perouet et à Genval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Pendant les Audi Days, tout est exceptionnel. Les conditions sur l'Audi Q3 sont exceptionnelles. Le sentiment de liberté qu'elle dégage est exceptionnel. Exceptionnel aussi, le système BSI. Boost de sensations irrationnelles. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. comme l'Audi Q3 super équipé à partir de 31 450 euros ou 229 euros par mois en personnel lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Infos et magasins ouverts ce dimanche, brentano.be. Visitez le continent africain en chameau ou le continent américain en cabrio. Lâchez-vous, chez Neckermann, vous avez le choix parmi plus de 100 circuits. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500€ de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. À la recherche d'une voiture neuve ou d'occasion, trouvez-la parmi plus de 120 000 véhicules sur le nouveau site du Moniteur Automobile. Moniteurautomobile.be, l'actu auto en temps réel. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Et tout à l'heure dans la deuxième partie du 8-9, il y aura un choix à faire puisque cette semaine au cinéma il y a La Efira. Mais il y a aussi La Marceau. Ah oui. Dans quel film ? Dans L'Atolard de Sophie Marceau, dans un contre-emploi total. Christophe, choisissez Virginie Efira ou Sophie Marceau pour vivre. Je choisis Sophie Marceau quand même. Sophie Marceau, moi je prends Sophie Marceau. Alors, le choix est quand même cornélien. Ah, c'est difficile, je sais. Ah, c'est un choix 8-9. Vous dites quoi, vous alors, entre les deux ? Moi je prends Virginie Efira si j'ose dire. Ok, parce qu'on est déjà deux sur Sophie Marceau. Bah oui, Sophie Marceau, oui. Mais pas dans ce film-là, vous voyez. Ah, dans la en tout boum. Cas, dans la presse, on parle que de Virginie Efira. C'est fou. Oui. Supplanter Sophie Marceau là dans ce film, c'est dingue. Laquelle vous prenez, vous, Cathy ? Ah, Sophie Marceau, parce qu'elle est incroyable, elle est bluffante. Ah ben voilà, Sophie Marceau l'emporte, sondage 8-9 à haute valeur scientifique. Salut Virginie, j'adore. Il y en a qu'un qui a voulu. Et j'aimerais qu'on le dise plusieurs fois sur l'émission, si elle écoute. Warzé. Tout à l'heure, qui a dit inscrivez-vous dès maintenant, 3063 SMS. Vous indiquez votre nom, votre prénom, vos coordonnées complètes. Le SMS doit obligatoirement, c'est la loi mondiale, démarrer par « Je veux jouer ». Et c'est comme ça qu'on vous sélectionne. Cadeau à la clé et mot imposé à Jean-Luc Fonck pour le live. Sarah, il est 8h25, c'est le Zap Télé avec télépro.be, The Voice, France et le licenciement. Oui, monsieur Larroi. Donc Jennifer ne va pas revenir, on a beaucoup parlé d'elle, mais elle est actuellement dans The Voice Kids, qu'on peut suivre tous les samedis soirs sur TF1, c'est en cours, avec M. Pokora et Patrick Fiori, donc Exit Jennifer, qui vient pour les adultes, ils disent The Voice adultes, même si c'est ado, parce qu'ils sont de plus en plus jeunes finalement. Permettez-moi une parenthèse, regardez samedi soir, je ne peux pas vous conseiller de regarder la télé des autres, mais regardez samedi soir, parce qu'il y a un petit Belge de 14 ans qui vient de Gerpin, qui est en compète, et il sera notre invité lundi, quoi qu'il arrive, qualifié, pas qualifié, il sera notre invité lundi, regardez samedi soir la télé. Donc, Exit Jennifer, bon plan, ça Benjamin, merci. Florent Pagny qui est un peu la BJ Scott de The Voice, la plus belle voix côté français parce qu'il rempile pour une sixième aventure. Il est là depuis le début. On n'a jamais dû lui dire. Il va être content, ouais. Non mais voilà, il est là depuis le début, c'est un peu le patriarche le de l'aventure. Voilà, le taulier. Mika rempile aussi pour une troisième saison. Qui d'autre ? Zazie, ça c'est encore la petite incertitude. Elle n'a pas dit tout à fait oui, mais donc ce serait la seule femme de l'aventure. Et puis le quatrième, Exit Garou, parce qu'apparemment il n'est pas assez impliqué. C'est qui ? Bah c'est Matt Pokora. Voilà, parce qu'il a tellement plu dans The Voice Kids. Bah voilà. Voilà, il joue le jeu, etc. Et donc ils l'ont pris pour The Voice adulte, même si c'est plutôt ado. Voilà, donc les quatre pour The Voice France, ça démarrera cet hiver. C'est pas juste de dire que Garou a pas bien fait le travail. Vous avez regardé un peu ? Non, franchement, pas du tout. Ah bah c'est pas juste Christophe, vous avez regardé un peu ? Bah non. Pour l'instant, je fais le débat tout seul avec moi-même. Jérôme, vous avez regardé un peu ? On peut chanter Matt Pokora si vous voulez. Qui est Garou ? Ok, alors très bien. Donc je passe une bonne matinée avec moi-même. Elle me contrôle. Et je vais me poser une seconde question. Tu es content de voir Matt Pokora dans The Voice ? Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe-Zaventem. Drive different. Be Infiniti. Wallonie en fête oblige. L'avenir va jaser, causer et déviser Wallon le samedi 17 septembre. La une du journal sera traduite en Wallon pour l'occasion. De quoi être pinoche ou content, hein? L'avenir de ce samedi 17 septembre, un collecteur Wallon à ne pas manquer. L'avenir, l'avenir est au contenu. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut! C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique! D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va! Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les ingrédients. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Vin chaud sur les pistes ou vin blanc en terrasse? Lâchez-vous. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix. Accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du soir. Et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29 euros par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330 euros. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mercredi. La rentrée à partir d'aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, rentrée compliquée pour les étudiants qui espèrent une bourse. Ils ne savent toujours pas s'ils auront droit à cette aide financière à cause d'un retard dans la réforme du système de bourse. Et puis les reçus collés en médecine ne savent toujours pas s'ils pourront passer en deuxième année. Shimon Peres à l'hôpital, l'ancien président d'Israël, prix Nobel de la paix en 94, a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Selon ses médecins, il est dans un état grave mais stable. En sport, le club de Bruges entre en compétition ce soir en Ligue des champions de football face aux Anglais de Leicester. Et puis le Grand Prix de Wallonie aujourd'hui en cyclisme à la citadelle de Namur. Je vous apprends rien, il fait chaud, il fait malade. 33 degrés de maxima aujourd'hui, 28 degrés pour ceux qui ont moins de chance et peut-être un risque d'averse tout à l'heure, mais bon, vraiment un risque. Il est 8h30. L'info de notre région. Bonjour Bruno Schmitz. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et tous. Un chiffre positif mais surprenant pour ouvrir ce journal. Les émissions de dioxyde de carbone seraient en chute dans la capitale. Une baisse de 16% constatée entre 2008 et 2014, malgré donc la hausse du nombre d'habitants. C'est ce qui ressort du bilan carbone pour Bruxelles. Pierre Vandenbulk a analysé ces chiffres et nous donne les raisons de la réduction de ce gaz polluant. Le résultat de ce bilan carbone est à première vue assez surprenant. Alors qu'à Bruxelles-Ville, la population n'a cessé d'augmenter ces dernières années, les émissions de CO2, elles, ont diminué. Comment cela s'explique? Réponse avec Laura Chabenderian du Bureau d'études CO2logiques. C'est lié à différents facteurs. Évidemment, il y a toutes les actions qui sont mises en place par les citoyens et par la ville. Et puis, il y a également le fait qu'il y a plus d'électricité verte. Entre 2008 et 2014, on a eu un triplement de la production d'énergie renouvelable sur le territoire de la ville de Bruxelles. Et ça participe également aux réductions d'émissions de CO2. Voilà pour le constat, mais la ville ne veut pas se contenter de ce bon bulletin et va rédiger pour le début de l'année prochaine un plan ambitieux pour le climat. Yvan Mayer, Bourgogne. bourgmestre. En fait, la politique de la ville en tant que telle nous permet de respecter déjà le contenu, les objectifs de la COP21. Mais nous voulons aller un cran plus loin parce que nous savons que demain, les efforts ne seront pas suffisants et on fixera de nouveaux objectifs. Et voilà. Et pour ça, la ville seule ne pourra pas le faire. Il faut que l'ensemble des citoyens y participent. Et pour ce faire, la ville organise dès la semaine prochaine une série d'ateliers ouverts à tous autour des thèmes de la mobilité durable ou encore de l'alimentation. L'idée, c'est que chacun puisse proposer des solutions pour contribuer à atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030. Parmi ceux-ci, réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Et ceux qui ne pourraient pas participer à ces ateliers, ils peuvent tout de même s'exprimer via un site internet www.climat.bruxelles.be. Le métro vers le nord du Bruxelles s'est en bonne voie. Hier, des détails ont été dévoilés sur le futur tracé. Myriam Ball, la ligne 3, ce sera son nom. Elle desservira des quartiers très peuplés. Et oui, elle traversera Bruxelles de part en part, depuis Forêt au sud, Vert et Vert au nord-est, et en passant par le centre-ville et Schaerbeek, des quartiers encore en croissance démographique. Or, les trams qui y passent sont déjà saturés. Pour cette nouvelle ligne, il va falloir transformer en métro une portion de ligne de tram rapide souterraine, et puis créer en plus 5 km de tunnels, des travaux en sous-sol surtout. Avec 7 nouvelles stations, place Litz, place Collignon, une station à la cage aux ours, place Verbrugghoven donc, une station Square Riga, et puis sur Ever, rue des Tilleuls, place de la Paix et Bordet. L'échéance prévue, c'est 2025. Merci Myriam Ball. Et que pense Vincent De Wolf de cette extension du métro? La question lui sera posée vers 12h45 sur BX1 dans l'invité. Le chef de groupe MR au Parlement bruxellois et bourgmestre d'Etterbeek répondra aux questions de Jean-Jacques Deleu. Et puis autre problématique qui fait débat chez nous, ce sont les suites de cet abattoir unique installé lundi pour l'Aïd. Sur place, il y a eu de gros soucis. Certaines familles n'ont reçu leurs moutons qu'hier soir, soit un jour et demi plus tard que prévu. À Schaerbeek, le bourgmestre affirme aussi qu'on a retrouvé pas mal de sacs poubelles avec des restes d'animaux, ce qui signifierait que certains auraient recommencé à abattre à domicile. Bref, politique et famille demandent des comptes à la région. La région, qui elle annonce qu'elle va porter plainte contre le prestataire de service qui avait été sélectionné. Ce dossier semble donc loin d'être clos. Ne dites plus Urbizone, mais wifi.brussels. Le réseau internet gratuit de la capitale va connaître un sérieux lifting dans les prochaines semaines, à commencer donc par un changement de nom, Jérôme Durand. Wifi.brussels, c'est un nom plus clair, plus direct et plus simple qu'Urbizone. On en conviendra avec Bianca de Batz, la secrétaire d'État en charge du dossier. Ce changement cosmétique a pour but de mieux faire connaître des Bruxellois et des touristes ce réseau internet régional, déjà accessible gratuitement dans une soixantaine de lieux ou bâtiments publics. Et le nombre de points d'accès, justement, il va considérablement gonfler. Et coloniser peu à peu le métro. Dès ce vendredi, deux stations, Porte de Halle et Rogier, seront équipées du Wifi.brussels. Fin de cette année, la couverture devrait atteindre un quart des stations. La couverture totale est-elle attendue pour fin 2017? Dernier aspect de l'amélioration de ce Wifi public, le système de connexion sera simplifié. D'ici un mois, vous n'aurez plus besoin de vous identifier à chaque utilisation. Le réseau reconnaîtra automatiquement les utilisateurs déjà enregistrés. Merci Jérôme Durand. Et puis en sport, notre relais 4x400 mètres va gagner une place dans son classement, mais celui des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. En cause, la Russie qui vient d'être disqualifiée pour dopage. Les Belges remontent donc de la 5e à la 4e place. La plus mauvaise, diront certains. Écoutez Kevin Borlé, c'est l'un des relayeurs belges. Nous, on était contents d'être 5e, c'était nos premiers championnats avec le relais. Mais si on avait pu être 4e, ça aurait peut-être était encore différent, et je parle vraiment de l'euphorie et du moment vécu, et ça c'est dommage, et c'est pour ça que je dis il faut vraiment faire plus pour ce dopage, parce que bon, il y a des athlètes qui bossent très très dur, qui prennent pas de produits, et on leur enlève ce rêve, et ça c'est dommage. Kevin Bourlet interrogé par David Bertrand. Kevin Bourlet qui faisait partie du relais belge à l'époque, tout comme son frère Jonathan, et c'est la Grande-Bretagne qui était 4e à Pékin en 2008, qui va récupérer la médaille d'argent de la Russie. Russie donc qui a été disqualifiée. Voilà, et pour toutes les infos, je vous renvoie évidemment au site internet de la RTBF, www.rtbf.be/info. Vous cliquez sur l'onglet Bruxelles et vous aurez tous les détails en son, en texte et en images. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur rtbf.be/ovio et sur le site vivreici.be pour retrouver également les bons plans de Bruxelles Matin proposés par Julie. Voilà, le retour du 8-9, Benjamin et toute son équipe. Déjà, excellente journée à vous. À 9h, c'est vous qui le dites, et trois débats sur la table. Dans 5 jours, tous les commerçants devront signaler à la police les clients suspects qui achètent des produits qui peuvent servir de l'explosif. Est-ce que les commerçants deviennent des balances ? Ensuite, le montant des allocations maladie va baisser. Maggie Debloc change la méthode de calcul. Quand on est malade, sans salaire complet, on peut faire avec combien dans le fond ? Et puis la loi sur la garde alternée à 10 ans, on dit qu'elle est l'idéal. Mais est-ce qu'on peut faire des gardes alternées de bébés ou c'est trop jeune ? Zoé Boss, standard ouvert. Et que vous soyez commerçant ou parent divorcé, le numéro reste le même, le 070-233-466 pour les SMS, c'est facile, c'est le 3063, 50 cents par message. Nous vous attendons ici au standard, mais aussi sur la page Facebook de C'est vous qui le dites, où vous pourrez consulter les sujets de cette matinée. Comment ça roule à 8h37? On va demander à Serge, notre motard Europe Assistance. Serge, un accident? Eh bien oui, nouvelle info, c'est cet accident à Bercelles, c'est du côté intérieur du ring vers Grand Bigard. Je n'en sais pas plus, je suis en route pour aller voir ce qui se passe exactement. Alors on a toujours ce camion en panne hein, sur le ring entre Léonard et Terburen qui vous gêne sur la bande centrale. À part ça, pas d'autres infos majeures. Je vous rappelle encore une fois ce gros chantier en face de l'ULB. L'avenue Franklin Roosevelt circule sur deux fois une bande. Merci Serge, prudence sur la moto. Rendez-vous tout à l'heure dès 15h avec Marc Vernon dans l'aller-retour bruxellois sur Viva. En attendant, profitez-en les amis, il va faire bon, il va faire chaud aujourd'hui, 31 à même 33 degrés chez nous, ça va faire du bien. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dewey Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles à Meis et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meis et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. Dewey Car Center. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Et donc tout à l'heure avec Cathy, on arbitrera ce match au sommet entre Virginie Efira et Sophie Marceau. Laquelle souhaitez-vous pour vivre? Mais il y a aussi Mélanie Laurent, Audrey Tautou et Bérénice Bejo dans un troisième film. Il y a trop de choix. Que Mathieu McConaughey dans un quatrième film. Ça devient trop compliqué. N'oubliez pas de vous inscrire au Kikadi 3063 avec Je veux jouer, nom, prénom, coordonnées complètes. Venez, bonne franquette. J'ai remonté mon pantalon, je suis en chaussette. Sarah a pas de chaussures. Oui, ou presque. Ouais, voilà. Et quasi pas de jupe. Quasi pas. C'est vrai. Vous pouvez vous lever? J'ai plus l'âge pour porter ça. Si, quand même, levez-vous deux secondes. Mais ça va, je l'avais pas essayé avant. Mais, c'est... Voilà. Mais bon non, sang, mais Jérôme. François, jette ton bic par terre, oui, c'est le moment. C'est indécent. Non. Elle a mis une mini-jupe pour l'arrivée de François Mazure, qui est notre invité. Quel honneur. Ce matin, la nouvelle saison de 7 à la Une qui a déjà redémarré. C'est tous les samedis soirs à 18h30. Bonjour François Mazure. Bonjour à tous. Entre Virginie Efira, Sarah de Padua et Sophie Marceau, pour vivre, hein, vous prenez. Sarah, sans aucune hésitation. Voilà. Mais figurez-vous que les trois que vous avez cités, c'est trois personnes qu'on aimerait découvrir dans l'instantané de 7 à la Une. On a déjà fait Virginie Efira et on est sur le coup avec Sarah et Sophie Marceau. Ah, mais je la reprends l'instant. Tout le monde est sur le coup avec Sarah. Donc, si vous voulez, ces gens ont des posters de femmes dans leur bureau, apparemment, et vous êtes là en poster. Alors, vous faisiez quoi, vous, ce week-end? Vous étiez peut-être chez Parrain, chez Nénène. Eh bien, vous avez rencontré le Dalai Lama. On va quand même revenir sur les grandes rencontres de 7 à la Une. Le Dalai Lama. Physiquement, comment vous l'avez ressenti? Il est impressionnant, de charisme ou pas? Ben, c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que ce personnage est parvenu en quelques instants à mettre toute l'équipe à l'aise. Moi, je pensais forcément, j'étais très intimidé et je m'attendais à être très stressé pendant l'interview. En quelques secondes, et j'imagine que c'est ça la compassion dont on parle tant, il est parvenu à nous détendre. Il est entré dans la pièce, une petite chambre d'hôtel. Il a salué chaque personne une à une. Et puis, le contact physique des mots sympas, une petite blague, et tout le monde était vraiment très détendu pour cette interview. Je vous ai vu faire un genre de révérence, donc j'ai analysé attentivement, ralenti en replay, et vous faites un genre de révérence en disant « your holiness, your holiness ». Vous avez fait une révérence ou pas? Ah, pas du tout, en fait... Vous êtes tombé de la chaise. Je rassure tout le monde, ou vous rassure pas, je ne suis pas bouddhiste, mais forcément, lorsqu'on a un personnage comme celui-là, et qu'on fait une interview comme celle-là, il faut se, quelque part, s'adapter. Se mettre en empathie, et se soumettre à certaines traditions... certaines formes de respect aussi par rapport à ce personnage. J'avais forcément bien préparé l'interview et j'avais vu que c'était comme ça que de coutume il fallait faire. Vous me faites du tac au tac le top 3 des plus grandes rencontres faites grâce à cette à la une. Donc le Dalai Lama est peut-être dans le top 3. Donc faites-moi un top 3 des rencontres les plus marquantes pour vous. Mais pour moi personnellement, moi je suis le présentateur de l'émission et l'éditeur, donc je ne suis pas sur le terrain, je ne suis plus sur le terrain. Mais dans ma carrière personnelle... Ah, ou dans votre carrière. Il y a eu Vladimir Poutine que j'ai interviewé... Ouais. Au Kremlin. Il met Vladimir Poutine avant le Dalai Lama. Alors, Vladimir en 1. J'ai eu la chance aussi d'être présent à l'élection de Barack Obama. Ouais. Je ne l'ai pas interviewé, mais j'étais dans la salle lorsqu'il a été... Ouais, mais ça ne compte pas, ça. Ouais. Mais il met quand même Vladimir avant Barack. Non, je ne vais pas Vladimir. Et en 3 le Dalai Lama. Et en 3, le Dalai Lama. Alors, au niveau impressionnant, alors Dalai Lama est vraiment fantastique comme interview, mais... Poutine est encore plus impressionnant quand on le croise là au Kremlin. Il est sympa ou pas? Et alors c'était très étonnant parce que selon le protocole on ne pouvait pas poser de questions. Vous me connaissez, j'insiste toujours un peu. Et quand je suis arrivé face à lui et que je l'ai vu là, il y avait les journalistes qui se retenaient un peu. Moi j'ai foncé avec mon micro et il a répondu. Je vais te tuer. Et puis, après, c'est là qu'il a dit Your Holiness. Oh, Your Holiness. Et après, François n'avait plus de voiture, etc. Mais ça, il raconte pas. Voilà. Et plus rien. Et vous voilà aujourd'hui meurtri sous protection. Et juste un mot sur l'esprit de cette à la une, parce que vous dites souvent l'actu autrement. Et on se souvient de cette polémique de l'an dernier. Il y a un de vos journalistes, Tristan Godard, qui va filmer toujours dans les coulisses. C'était le contre-champ. Et là, il a des ennuis avec le porte-parole du Premier ministre qui lui dit en gros, fais attention, mon petit ami, tu te la joues petit journal, tu te la joues malin, ça va aller très très loin, fais gaffe à toi et à ta tête. Est-ce que ce truc-là, a engendré des séquelles? Est-ce qu'aujourd'hui les politiques se méfient de vous? Quand vous arrivez avec le logo 7 à la une, on ferme les portes. Est-ce qu'il y a eu des séquelles? Les semaines qui ont suivi, on a clairement senti une méfiance des politiques. Mais vous savez, ça se tasse avec le temps. Et donc non, on n'a pas senti de séquelles avec les politiques en particulier, et ni même forcément en interne. On a eu vraiment les pleins pouvoirs, la liberté absolue pour continuer notre travail comme on le faisait déjà avant. Vous avez eu un petit passage, je fais une parenthèse, qu'on profite de votre présence, un petit passage à TF1, parce que c'était quoi, en 2007 Oui, trois ans, de 2007 à mi-2009, ouais. Il est chef du bureau TF1 à Bruxelles. Un mot sur Gilles Boulot, quel de vos présentateurs de TF1, vous le trouvez bien? Vous étiez bien, plus ouais. PPDA ou Chazal? Moi j'étais, donc Gilles Boulot n'était pas encore à la présentation quand j'y étais, moi j'aimais beaucoup PPDA. Et Claire Chazal. J'ai senti une grosse différence dans le traitement de l'actu et même dans le contact avec les journalistes quand c'est Laurence Ferrari qui a repris le poste de PPDA. Ouais. Et mon coup de cœur, c'était Pernaud. Ah oui, mais qui est toujours là, il est pas mort. Il est toujours là. Et avec lui, c'était vraiment, vraiment très convivial. Il avait vraiment, il attachait une grande importance aux régions. Et donc pour lui, la Belgique, c'était un peu plus au nord que le nord. Donc c'était une de ses régions aussi. Et donc avec lui, les contacts se passaient très bien. C'est un contact qui me manque un peu. On a gardé, on continue à s'écrire de temps en temps. Et vous mettez quand même Vladimir Poutine avant Pernaud. Ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Alors c'est à la une, c'est tous les samedis à 18h30. Un mot sur le programme de samedi, comme ça on sait tout. Dans les moments importants, il y a la Belge histoire. Vous rencontrez un Belge qui marque, qui nous épate. Qui est le Belge de service samedi? Alors cette semaine, la Belge histoire, c'est le seul producteur belge de montgolfière. C'est un peu d'à propos avec le climat en ce moment. Ouais. Donc Fiona Collien, qui est en charge de cette séquence, nous a présenté ce personnage qu'il fabrique de A à Z les montgolfières seul et qui fait lui-même aussi les vols. On va voir comment il fonctionne, comment il travaille. Et c'est manifestement de plus en plus compliqué de voler avec le climat. Et ce qui nous explique, et ça je ne le savais pas du tout, ça m'a très étonné, c'est qu'il y a 10 ans, il volait beaucoup plus fréquemment, mais avec le réchauffement climatique, parce que la chaleur est un facteur aussi, il vole moins qu'avant, donc on va découvrir ce personnage ce week-end. Ah, il y aura Gilles le Suisse, il y aura toute la bande, et puis alors, les jours d'après avec Valentin Boisgelot, je ne sais pas si vous avez vu ça, il roule dans une vieille bagnole à la Colombo, vous voyez la vieille voiture de Colombo. Il y a le chien aussi à l'intérieur ou pas? Et sa femme est morte, je ne sais pas. C'est quoi la bagnole dans laquelle il roule dans les reportages? C'est une Ford Taurus. Elle est à lui? Alors, non, elle n'est pas à lui. On va vous écouter. Ah, il y a un micmac. Alors, allez-y. Elle n'est pas à lui personnellement, mais on lui a prêté. Il y a une histoire russe. Ouais. En fait, on voulait, avec Valentin, la séquence existait déjà l'an dernier, mais on voulait plus identifier le personnage de Valentin et du journaliste qui part en enquête, entre guillemets. Et donc, on trouvait que d'avoir un véhicule ancien qu'on nous a prêté, qu'on nous prête, était plus sympa que d'être dans un véhicule. Ah, ben, elle est classe. Si vous êtes collectionneur de voitures, vous irez voir, elle est belle. Elle est belle. Et on remercie son propriétaire qui nous l'a prêté et le Royal Automobile Club de Spa. C'est eux qui sont à l'origine de cette collaboration. Ça s'appelle 7 à la une, l'actu autrement, François Mazure, et vous reviendrez pour parler du Malade Imaginaire, parce que vous avez joué dans le Malade Imaginaire Théâtre, qui sera diffusé à la fin de l'année, au profit de Viva for Life, avec toute la troupe RTBF. Bonne journée, mes amitiés à Vladi. Merci. Comme on l'appelle. Da. Non, ça c'est Dalai Lama. Ah, pardon. Il a rencontré Vladi et Da. Dans un instant, qui qu'a dit ? Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15€ à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi ? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing ? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kg de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10€ et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. Le 8-9. Le 8-9 est à Herve. Bonjour Raoul. Oui, bonjour. Entre Jean-Pierre Pernaut et Vladimir Poutine, vous voudriez rencontrer qui, vous ? Jean-Pierre Pernaut. Je me disais qu'il y avait une chance sur deux. C'est qui la personne la plus célèbre que vous avez rencontrée en vrai ? Jérôme de Warzé. C'est bon. Je pense que certains s'affolent pour le Dalai Lama. Alors que j'ai exactement la même coupe et le même raisonnement. Et vous lui avez dit Raoul, sa sainteté à Jérôme en faisant une révérence ? Une référence ? Non, pas vraiment. Il faut, hein. Donc je rappelle que quand vous le croisez, il faut dire Your Holiness. Ça doit être pour ça que je ne vous ai pas parlé. Raoul, c'est le Kikadi de ce matin. Un cadeau à la clé, un mot imposé à Jean-Luc Fonck et vous pourrez choisir l'aide d'une seule personne autour de la table. Kikadi, j'ai été exposé très vite, trop tôt, et si j'ai appris à faire avec, je suis farouche à m'exposer. J'ai été exposé très vite, trop tôt, et si j'ai appris à faire avec, je suis farouche à m'exposer. Drôle de phrase. Qui a dit ça ? C'est Jordi, qui était star à 4 ans, vous vous souvenez de ce tube international ? C'est Macaulay Culkin, qui jouait dans Maman, j'ai raté l'avion, connu à 10 ans ? Ou c'est la petite Marceau, la petite Sophie, star à 14 ans, avec la boum ? Raoul, est-ce que vous voulez l'aide de Jérôme, de Cathy ou de Sarah ? Va demander à Sarah. La petite Sarah, à votre avis, alors, qui a dit ? Faire avec, c'est un peu un belgicisme, hein, je pense. Mais je pense que c'est Sophie Marceau, parce qu'elle est au cinéma, aujourd'hui, dans la Taularde. Féminin, donc. Jordi, Macaulay, Sophie c'est Marceau. C'est féminin, oui. Raoul, vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre, vous me dites ? J'hésite entre Jordi ou bien Sophie, mais je vais faire confiance à Sarah, je vais dire Sophie. Et c'est une bonne réponse. Toujours faire confiance aux femmes. Effectivement, le cadeau pour vous, Vénard. Raoul, vous repartez avec le mug Viva et la cuillère siglée. Ah oui, ah oui. oui, ah, je dis oui. Ah, oui, ah oui, oui, j'aime oui, ce oui, jeu. Oui, ah, oui. Oui. Votre vie est faite. Hein. Jérôme de Warzé, le mug avec siglé, ça je veux dire. Ça. Alors, pas le mug siglé, non, la cuillère siglé. Pardon. Raoul, heureux. Oui, oui, merci. Très bien. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc Fonck? Cavalcade. Pourquoi cavalcade? Herve. Voilà, cavalcade de Herve, je fais partie du comité, je fais partie aussi du festival du rire que Martin Charlier a créé, qui s'appelle le Caval Rire, dont Jérôme Dewarzé est venu la première année en tant que tête d'affiche, et lui aussi, Jean-Luc Fonck est venu il y a 2 ans en tête d'affiche, et voilà, on repart. Eh ben alors, vous êtes de tous les coups. Vous êtes de tous les coups, un clin d'œil à tous les impliqués de Herve. Raoul, on donne ça à Jean-Luc alors pour vendredi. Bonne journée à Herve, à bientôt. Merci également. Salut. Ciao, ciao. Dans un instant, le festival des femmes, ça commence par Virginie Efira. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non, merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhom. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhom lors de nos portes ouvertes à Annus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhom.be. Naturhom, naturellement exceptionnel. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment? On part 3 semaines, 3000 euros? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, yes, yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorins. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Jusqu'à 9h, le 8-9. Avec une question d'intérêt général. Alors, comment auriez-vous légendé... Merci à vous de suivre le rythme. Excusez-moi, j'étais dans autre chose, si j'ose dire. Comment auriez-vous légendé le retour de Nabila hier soir à la télé française? Loulou Godet nous suggère l'écran d'arrêt. Il fallait pas la mal. Trouver. Joli. Sylviane Delvaux, tant va la cruche à l'eau qu'elle nous les brise. Oh. Il y a de la culture. La cuite du jour, 7 nouvelles stations pour le métro bruxellois. Comment nommeriez-vous ce nouveau réseau? Vous pouvez bien sûr répondre à ça sur la page Facebook du 8-9 à votre disposition 24h sur 24. Et puis sur vivacité.be en vidéo si vous avez un petit peu de temps au bureau. La revue de presse avec toute l'équipe qui commente les journaux de ce matin, notamment cette conversation très intéressante sur la chaleur. Mouh, qui fait chaud en ce moment. Oui, tout. Moi aussi. Malgré mes jambes lourdes, allons au cinéma, Cathy. Mais on va se rafraîchir au cinéma. J'espère. 8h54, on se redit un petit mot du film événement parce que Virginie Efira, ça s'appelle donc Victoria. Ouais, depuis sa présentation au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique, c'était en mai dernier, Virginie Efira fait le buzz. Elle est partout, sur tous les magazines, dans toutes les émissions télé. 2016, une année tournant, une année Efira. Pourquoi? Parce qu'elle joue dans ce film Victoria, qui est une comédie, on l'a déjà vu hein, dans des comédies, Virginie, mais qui est vraiment une comédie d'auteur, avec des personnages bien écrits, bien fouillés, des petites références intello. Donc elle change un petit peu, on sent, de carrière. Elle commence à être adoubée par le cinéma dit sérieux, le cinéma à la Télérama. Donc j'espère que dans les années à venir, ça veut dire qu'on lui proposera autre chose que le rôle de la bimbo. Vous insistez tellement sur le cinéma d'auteur que je me demande si ça ne cache pas une petite perfidie derrière, disant que c'est un peu lent, un peu mou, un oui, peu alors, austère. C'est un peu foutraque et c'est un humour... Un peu quoi? C'est un peu foutraque. Oh, il y a longtemps que j'ai plus entendu ça. Ah, c'est foutraque à foison. C'est un peu bordélique, oui, en fait. Il y a plein de personnages, des seconds rôles sympathiques, mais il n'y a pas vraiment d'histoire conductrice. tennis. Foutraque. Voilà, un peu bordélique, mais Virginie est très très bien dedans. Moi, je l'ai rarement trouvée aussi bien. Elle montre ses fragilités, ses faiblesses, parce que c'est l'histoire d'une nana foireuse. C'est pas Bienvenue chez les Ch'tis, ni une grande comédie avec Franck Dubosc, quoi. On est dans de l'humour fin, raffiné, très subtil, peut-être un peu trop. Moi, j'ai pas énormément rigolé. Ah ben voilà, donc c'est un film d'auteur foutraque. Retenez ça. La Taularde, le retour de Sophie Marceau, qui donc a vieilli puisqu'elle se fait éclipser par la jeune Efira. Ouais. On parle que d'Efira partout dans la presse. Et pourtant, Sophie Marceau nous fait un contre-emploi total dans ce film qui, comme son titre l'indique, se déroule en prison. Alors je vous avoue que j'étais prête à sortir la sulfateuse avant de voir le film. Je me suis dit, puis Sophie Marceau dans un film de femme en prison, qu'est-ce que ça va être mauvais? Eh bien, mauvaise que j'étais. Ah. Yes. Sophie Marceau est exceptionnelle. Sans maquillage, sans phare, avec un personnage vraiment qui souffre intérieurement. Parce que le film démarre où Sophie Marceau est incarcérée, on lui enlève ses vêtements, elle se retrouve nue, elle n'a plus rien, et se termine en prison. Donc on ne sort pas de la prison une seule seconde. C'est un huis clos. C'est une unité de lieu, en tout cas, et c'est un film extrêmement dramatique. Moi, je m'imaginais à ce qu'il y ait un petit rayon de soleil à un moment donné, quelque part, mais non. C'est un film sans concession sur comment les femmes sont traitées en prison et sur la difficulté aussi d'être matone. Hein. C'est pas que le point de vue des prisonniers. Est-ce qu'on y croit du coup? Parce que Sophie Marceau, c'est quand même le glamour, c'est la tendresse. Est-ce qu'on y croit du on y croit parce que les seconds rôles, tous les personnages autour sont hyper crédibles et on sent qu'elles se donne. Enfin, vraiment, j'étais épatée. Ah, mais ce qui l'a tuée, c'est ses déclarations hors cinéma, parce qu'elle n'est pas mauvaise comédienne. C'est quand elle parle dans les trucs. Elle se donne. Au cinéma, vous voulez dire, ou dans les déclarations hors cinéma. Parce qu'elle a eu 2-3 gaffes, 2-3 bourges, quand même. Julie Gayet. Oui, il y a Julie Gayet dans un tout petit rôle, effectivement. Ah bon? Oui, je le disais, des seconds rôles assez pertinents. Et on voit François Hollande. Non. Il y sera bientôt. Il n'y a que des femmes. Il paraît qu'ils sont toujours, vous avez vu, ensemble. Oui, c'est la bonne surprise, en tout cas, Sophie Marceau. Alors, chapitre suivant avec Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Jérémy Régnier, Bérénice Bejo, c'est un fameux casting pour Éternité. Oui, Éternité, un film très très spécial. Vous avez peut-être vu les images de la bande-annonce si vous avez été au cinéma dernièrement. C'est un poème atmosphérique avec effectivement ce casting magnifique. C'est une ode à la maternité et à l'amour qu'on peut avoir pour son époux. Donc c'est un film que je trouve extrêmement réac. Voilà. Est-ce que ça va un peu foutraque? Bien sûr, la fidélité est un vieux bazar. Non, la femme ne se réalise qu'à travers la maternité et l'amour à son époux. Donc c'est un cliché. Film, voilà, c'est très cliché. C'est un film qui fait 2 heures où nous suivons une famille à travers les années. Et il n'y a pas vraiment de dialogue, il n'y a pas vraiment d'histoire. Ce sont des plans de ces femmes heureuses avec les bébés dans les bras. Heureuses avec leur époux. C'est ce qu'on appelle un poème cinématographique. Ça dure très longtemps, ça dure une éternité. Cathy, j'ai que 10 euros. Marcher, Victoria, la Taularde d'éternité, j'ai que 10 euros. La Taularde pour Sophie Marceau. Ah, et Sophie Marceau gagne toujours. C'est comme au football, l'Allemagne gagne toujours. Eh ben au ciné, c'est Sophie. Les foutraques. Jaguar présente le Art of Performance Tour du 12 au 24 septembre. Réveillez vos sens avec un essai inoubliable. Installez-vous dans une Jaguar XE et laissez-vous surprendre par son confort, ses hautes performances et sa faible consommation. Temporairement, à partir de 299 euros par mois en leasing, 3 ans d'entretien inclus. Réservez vite votre essai inoubliable chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Attendez, avant la météo, Denis, c'est pour un sondage. Vous êtes Sophie Marceau, vous êtes Virginie Efira, vous êtes Audrey Tautou, pour la vie, hein? Audrey Tautou. Ah, il a pris Audrey Tautou. Ah ben, vous êtes seul sur le coup. Là-dessus, bien joué. Re-soleil. Re-soleil, re-chaleur aussi. Alors aujourd'hui, vous parvenez à en profiter, soit vous le subissez, c'est selon. En tout cas, on va atteindre à nouveau des records, puisque hier on avait 33,4 degrés en Campine. On s'attend à retrouver également 33 degrés aujourd'hui sur le nord-est du pays, 31, peut-être 32 même localement dans le centre, 27 à 28 sur les hauteurs, toujours beaucoup de soleil et finalement peu de nuages. Demain, le changement de temps se confirme lui aussi, avec